veux que ça, maman. Pour toi, voilà ce que je peux faire. De A à Z, je t'aime comme un fils qui aime plus que tout sa mère. Là maintenant j'ai 20 ans, comme ces 20 ans qui nous séparent. Je t'aime car c'est vraiment toi qui me guide, maman. Tout le monde le sait, tu es ma lumière. Mère, sans toi ma vie n'est qu'un mur de pierre. Mère, ne me laisse pas tout seul. Sans toi je ne vivrai pas tout seul. Je ne pourrai pas marcher tout seul. Je ne voudrais pas monter tout seul. Mère, ne me laisse pas tout seul. Sans toi je ne vivrai pas tout seul. Je ne pourrais pas marcher tout seul. Je ne voudrais pas monter tout maman, seul. Maman, tu sais que je t'aime plus d'année en année. Plus proche de toi, je suis plus souvent là pour te câliner. Et si tu me laisses tout seul, c'est sûr que je t'en voudrais. Et si tu me laisses tout seul, c'est sûr que je pourrais changer du bien au mal, il n'y a qu'à pas à faire. Je vais être qu'il y a de mieux sûr, mais c'est pour toi ma mère. Si je fais le bien autour de moi, c'est que je fais des efforts pour qu'on soit plus ensemble nous deux. Inséparables, maman, je tiens vraiment à toi plus que tout. Avec toi mère, oui je garde la foi, tu es tout. Mon avenir, je veux le devenir. Mais si t'es pas là, maman, j'imagine le pire. Ne me laisse pas avancer tout seul ma vie. Je te la dois et crois-moi, tu es mon paradis. Sache qu'à jamais, je serai toujours ton enfant. Maman, je t'aime, oh oui, je t'aime tellement. Mère, ne me laisse pas tout seul. Sans toi, je ne vivrai pas tout seul. Je ne pourrai pas marcher tout seul. Je ne voudrais pas monter tout seul. Mère, ne me laisse pas tout seul. Sans toi, je ne vivrai pas tout seul. Je ne pourrai pas marcher tout seul. Je ne voudrais pas monter tout seul. Je t'en prie, me laisse pas seul. Tu es ma vie, hein. La la la la la la la. C'est what? Vraiment, c'est la la la la la la la. Comment? La la la la la la. Maman, tu es ma reine, ma déesse, la plus belle femme au monde. Pour toi, oui, c'est sûr, j'ai plein de tendresse. Je veux t'en donner, dans tes bras, je me sens bien. Qu'on fasse battre nos cœurs des heures, le tien contre le mien. Ta vague de douceur s'écrase contre mon cœur de pierre. Et là, pour toi, maman, ton fils grave un cœur dans la bière. Si tu sais, je veux notre bonheur. Éloigne de toi tout ce qui pourrait faire notre malheur. Un signe de reconnaissance pour la mère que tu es. La chance que j'ai sur terre, certes, je veux te combler. Je veux te voir sourire. À chaque fois, je veux pouvoir me dire qu'auprès de moi, tu es pleine de joie. La vie me fait peur quand je l'ai. Imagine sans toi, l'idée d'être seul quand je l'imagine sans toi. Yeah. Maman ne me laisse pas. Seul. Sans toi je ne vivrai pas tout seul. Je ne pourrais pas marcher tout seul. Je ne voudrais pas monter tout seul. Mère, ne me laisse pas tout seul. Sans toi je ne vivrai pas tout seul. Je ne pourrais pas marcher tout seul. Je ne voudrais pas monter tout seul. Mère, ne me laisse pas tout seul. Sans toi je ne vivrai pas tout seul. Je ne pourrais pas marcher tout seul. Je ne voudrais pas monter tout seul. Mère, ne me laisse pas tout seul. Sans toi je ne vivrai pas tout seul. Je ne pourrais pas marcher tout seul. Je ne voudrais pas monter tout seul.